La nuit, c'est une épouvante. Tous ces corps sans sépulture. Mais pourquoi ce chien? C'est là qu'on jette les esclaves torturés. C'est avec leur chair, c'est avec leur sang qu'ils ont bâti. Africa, Africa.